Chapitre 16e, dans lequel sans patience éprouve la plus grande stupéfaction de sa vie. Un peu plus de 3 semaines plus tard, exactement le 27 février, sans patience, abandonnant l'ingénieur, encore retenu pour 8 jours à la chambre, au bon soin du docteur Buller et à la sollicitude du flot d'admirateurs qui depuis 15 jours se succédaient dans leur appartement de l'Atlantic Hotel, sans patience, disons-nous, se faisait conduire en cab à la gare de Hoboken, voulant revoir cet endroit où s'était effectué leur atterrissage mouvementé et où avait failli se terminer leur vie en même temps que leur aventureuse randonnée. Bientôt, ils roulaient vers Philadelphie, heureux comme un convalescent qui vient d'échapper à la mort et qui sent peu à peu revenir ses forces. De plus, ils n'oubliaient pas qu'à Philadelphie, ils devaient être mis en possession d'un coquet héritage de 30 millions. Par le chemin de fer, il n'y a guère plus d'une centaine de kilomètres entre New York et Philadelphie, via Arlington, l'affaire d'1 heure et demie par le train éclair est une misère pour un des héros de la traversée aérienne de l'Atlantique. Philadelphie est, comme importance, la 3e ville de l'Union. Elle ne compte pas moins, en effet, de 1 300 000 habitants. Sans patience, savait en outre que grâce à son université renommée, et ses nombreuses sociétés savantes, cette ville était un des rares centres intellectuels des États-Unis où, en général, on est porté à sacrifier les arts et les sciences spéculatives au business. Quoique le commerce et l'industrie y soient extrêmement actifs, l'aspect de Philadelphie est tout différent de celui de New York ou des grands centres d'affaires de l'Union. Le Delaware d'un côté, le Schuylkill de l'autre, traverse la cité dont William Penn fut le fondateur. Les squares sont nombreux, et quelques-uns de toute beauté. Du reste, on se souvient que 2 ans auparavant, sur l'invitation de son oncle, sans patience était venu passer 3 semaines à Philadelphie. Il en connaissait donc déjà les principales curiosités et les monuments, notamment l'hôtel de ville, situé au milieu du square de Penn, à l'intersection des 2 artères principales, Market Street et North Broad Street, le théâtre national, le théâtre du parc, le Grand Opéra, le Collège Girard, la Bourse, le Jardin Zoologique et surtout State House ou Maison de l'Indépendance où fut proclamée en 1776 la Déclaration d'Indépendance des États-Unis. Mais ce soir-là, en débarquant en pleine ville, non loin du square de Penn, sans patience se souciait peu des beautés de Philadelphie. Le voyage, si court qu'il eût été, l'avait beaucoup fatigué et il ressentait un peu de fièvre. Il remit donc au lendemain sa visite au solliciteur et un câble conduisit dans un hôtel de l'avenue Girard où, moyennant 10 dollars par jour, eut le droit à une hospitalité assez confortable. Une bonne nuit remit complètement sans patience des fatigues de son voyage et le lendemain, dans la matinée, ce fut allègrement qu'il se rendit à l'office de Mr. Jonathan Redwards, le solliciteur de son oncle défunt. Il fut immédiatement introduit auprès de l'homme de loi. La figure entièrement rasée, le teint rouge brique, le regard vif, Mr. Edwards accueillit sans patience avec beaucoup d'empressement. Il lui demanda des nouvelles de son compagnon d'aventure et crut devoir, en termes flatteurs, lui exprimer toute son admiration pour leur splendide raid aérien. Par chance, l'homme de loi américain parlait le français, sinon correctement, du moins suffisamment pour se faire comprendre clairement, ce qui dispensa sans patience d'écorcher de son mieux la langue de Shakespeare. « Et vous venez, dit Mr. Edwards, quand il eut épuisé toutes ses formules admiratives, vous venez pour la petite formalité de l'héritage, devine ?»« Précisément, monsieur. » »« Alors excusez-moi, mais les dernières formalités doivent être faites à Market Street, en l'hôtel même de votre oncle. » « Me permettez-vous d'aller vous prendre à votre hôtel cet après-midi à 2 heures ?»« Certainement, » répondit sans patience, un peu étonné. « Mais je croyais que le testament dont il m'a été donné lecture stipulait que c'était à votre fils que devait avoir lieu la remise définitive de l'héritage. » L'homme de loi se mit à rire. « C'est que, dit-il, il y a un, comment dites-vous, vous autres Français, un codicille, oui, un codicille que vous ignorez et sur lequel vous ne comptez pas. » « Non, » ajouta-t-il en riant de plus belle, « vous ne pouvez pas y compter, et j'ose le dire, vous serez surpris. » Sur quoi il se leva, et reconduisit son visiteur en renouvelant ses protestations admiratives. Cet entretien rendit sans patience un peu soucieux. « Que diable » bougonnait-il tout seul. « Que diable cet animal-là veut-il dire avec son codicille ? Est-ce que cette histoire de testament ne serait qu'une fumisterie posthume de feu mon oncle ?» Assez préoccupé, sans patience déjeuna mal. À 2 heures, exact comme le dieu des affaires lui-même, l'homme de loi vint le chercher en cab. Par l'avenue Girard, North Broad Street et le square de Penn, ils arrivèrent dans Market Street, où ils s'arrêtèrent devant un relativement petit hôtel, propriété de l'oncle Régnier, et que sans patience reconnut tout de suite. La première impression de celui-ci fut que cet hôtel n'avait pas du tout l'air d'une habitation mortuaire inhabitée. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, et une sorte d'intendant se précipita avec empressement au-devant des visiteurs qu'il guida respectueusement jusqu'à l'ascenseur. Sur le palier du second étage, 2 domestiques nègres semblaient attendre. L'un d'eux souleva une portière et sans un mot s'effaça devant eux. Précédé de l'homme de loi, sans patience pénétra dans une pièce assez grande qui ressemblait à un luxueux cabinet de travail et au milieu de laquelle se trouvaient 2 personnes, l'une assise, l'autre debout. Sans patience entra donc, fit 2 pas, puis s'arrêta, la bouche ouverte, les yeux démesurément agrandis, pétrifiés. Assis dans un fauteuil Louis XV, vêtu d'une robe mauve d'appartement, qui faisait valoir sa simple et tendre beauté, René Dubois, un peu rouge et visiblement ému, le regardait en souriant. Et debout près d'elle, un homme de haute taille, le visage rouge et osseux, la barbiche et les cheveux grisonnants, semblait attendre. Cet homme lui aussi souriait en regardant sans patience, qui, médusé, reconnut son oncle qu'il croyait mort depuis plus de 6 mois, et pour l'héritage duquel il venait d'affronter les fatigues et les périls de la plus extraordinaire des aventures.